avouer que là je suis fait. D'ailleurs je ne sais même plus ce que je fais. Les lumières dans la nuit elles vont vite alors je les ralentis. Au milieu de l'autoroute je fais de la circulation. Allongé dans le gazon j'observe mes potes en prenant mes mains pour des jumelles. Face contre terre l'alcool me retourne les viscères. J'aime le contact de la lune sur ma peau. Je ne veux pas me vendre un verre d'eau. Je suis torché, l'alcool est pâle. Ou plutôt y'a Pikachu qui mange une salade. Les lumières dans la nuit se pourrait il que ce soit les ovnis. Au milieu d'un champ de mine je mastique la pine. Car je kiffe. Oh oui je kiffe. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Je ne sais plus très bien où je suis. Je ne sais pas très bien qui j'emballe. Mais je me sens bien sans inhibition. Le ciel fragmenté, crépuscule tourmenté, yeux argentés, cheveux dorés. Cascade sans repos et nuit de délices. Plus de jets d'eau arrosant l'ovis. J'aime le contact de la lune sur ma peau.